morne, quelque chose se termine pour vous. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous allez être comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Un cycle tout nouveau se prépare. Vous allez être dégagé de toute préoccupation matérielle. On s'occupera pour vous de tout cela. Vous avez des cartes qui sont liées à la faveur populaire, la gloire, la célébrité. Vous commencez un second cycle de vie. Jusqu'alors, c'est comme si vous n'aviez pas vécu. Mais vous allez être prisonnière de cette espèce de gloire. Vous serez tributaire de votre célébrité. Je crois que vous allez regretter le temps présent. Pourtant, on va parler de vous. Tout le monde parlera de vous.